les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le pessimisme radical est le côté solaire d'une chanteuse nocturne. Son acidité, celle d'une femme qui, à 20 ans, avait déjà vécu de quoi gâcher deux ou trois vies. Le 23 octobre 1998, pour Black and Blue, Alain Gerber réunissait quelques connaisseurs et amateurs de la grande Billie Holiday. Black and Blue Magazine, bonsoir à tous. La légende voudrait nous le faire oublier, et pourtant, Billie n'a pas toujours été une femme rompue, elle n'a pas toujours porté les fardeaux sous lesquels elle se mit d'abord à tituber après 1942, Strange Fruit n'ayant pas fait d'elle, aux yeux du public américain, la grande tragédienne de la chanson qu'elle espérait devenir. D'abord à tituber, puis au début de la décennie suivante, à se craqueler, à se fendre, lorsqu'il devint clair pour elle que jamais elle ne prendrait place parmi les stars en vison, éclaboussées de Sunlight, les Garland, les Gardner, les Hayworth. Il y eut toute une époque, en fait, où quand Lady Day, Madame Jour, apparaissait quelque part, cela évoquait pour de bon le jour qui se lève. Il y eut des années que l'on pourrait dire des années Lumière, ou des années Lester, parce qu'en ce temps-là, Billie et Lester Young, qui ne furent jamais amants, étaient inséparables. En tout cas, des années de rire et d'insouciance, en dépit des crampes d'estomac, en dépit des difficultés et des humiliations quotidiennes, des souvenirs très sombres et des perspectives pas très roses. Dans les années 30, elle n'était pas toujours folichonne, les choses de la vie, les choses d'ici-bas, mais Billie Holiday n'avait alors aucune envie de leur dire adieu. Elle n'avait même pas envie de les fuir dans les paradis artificiels. La marijuana suffisait encore à tous ses besoins en mirages, analgésiques, assommoirs et consolations diverses. Le temps d'un éblouissement entre les rives désolées d'une enfance sans enfance et d'une maturité trop pareille à un mourir debout, il y eut donc plus qu'une hallucination de jeunesse, une bordée un peu folâtre, où l'on vit Billie surfer sur la vague de ses 20 ans. Ce fut un cycle de défis candides, de rêves téméraires, d'exploits sans y songer. Les genoux dans les écharpes, on jouait au craps sur le plancher de l'Oie Bleue, le bus du Count Basie Band, tandis qu'un Lester Young hilar, rendez-vous compte, tenait le rôle du bouffon de la bande. Même s'il vous fallait avaler pas mal de couleuvres qui trop souvent vous restaient sur l'estomac, cela ne vous empêchait pas de chanter des ritournelles au cœur léger. Qu'auriez-vous gagné à effaroucher vos illusions? Ce qu'ils ont encore eu en commun, Madame Jour et le président, c'était le sens de l'abandon, en un temps où le jazz faisait surtout commerce de sa fièvre. Ils avaient la volonté bizarre de décrisper, d'alanguir, de fluidifier. Ils en avaient aussi les moyens, d'abord les moyens d'éviter les excès de leur dérive, la mollesse de la forme, l'empattement du propos, puis la viscosité des sentiments. Ensuite, les moyens de donner une expression concrète à cette plastique dont il rêvait. Et puis le temps passerait, et puis il se brouillerait, et puis le lever du jour laisserait place à la tombée d'un lent crépuscule. Jack Kerouac eut un jour cette intuition fulgurante, je le cite, « Billie Holiday avait une pierre dans le cœur ». Attention, il n'a pas écrit « à la place du cœur ». Il n'insinuait pas qu'elle avait un cœur de pierre. Il pensait seulement, je crois, qu'il y avait au fond de son cœur quelque chose de mort et de lourd et de dur et de froid et qui finit par faire couler le cœur à pic. Billie, l'impulsivité même, pendant les années du vin et des roses, était en train de se pétrifier. Mais cela, c'est ce dont ce soir, pour une fois, nous voudrions justement ne pas parler. André Clerjat, Jean-Louis Chautant, Paul Ben Ki-moon et Georges Pakzinski. No road is lonely if you are lonely. Lose all your blues laughing at life. Live for tomorrow, be happy today. Laugh all your sorrows away. Start now and cheer up, the skies will clear up. Lose all your blues laughing at life. Life, enregistré à la fin des années 30, un morceau qui réunissait Billie Holiday et Lester Young, notamment La Fenat Life, accueillir la vie en riant, prendre la vie dans un éclat de rire. Je pense que c'est un de ces morceaux qui, ne serait-ce que par son titre, aussi par son interprétation, témoigne de ce formidable appétit de vivre qu'elle avait encore à l'époque. J'ai relevé parmi toutes ces déclarations celle-ci. On essaie de vivre 100 jours en un seul, d'avoir toutes les sensations, de tout dévorer, tout, en un seul jour. Cela dit, tout de suite après, elle ajoutait, on n'y arrive pas, et c'est pour ça que la mort vient nous chercher plutôt que les autres. Billie Holiday n'est venue en Europe que dans les années 50, je ne sais pas quand exactement. 54-58. Et vous étiez là. Et j'étais là. Parce que beaucoup de bruit courait déjà sur cette lente désintégration c'est de sa simple. Personnalité physique et pas seulement physique. Elle n'était pas en bonne forme physique, ce qui ne veut pas dire qu'elle était incapable de chanter. Il y a d'ailleurs, à Paris, elle a chanté en 54 à l'Olympia et en 58, elle est passée aussi au Mars Club que fréquentait vraisemblablement Jean-Louis Chotin. Très peu, très peu. C'était pour les riches, ça. Un peu. C'était Art Simons qui était le pianiste. Et mes souvenirs sont bons. C'était un petit peu à Paris une sorte de quartier général. Et elle n'était pas en très grande forme, encore que, elle était très capable de chanter d'une manière tout à fait admirable. Une petite anecdote aussi, c'est que, ça c'est Franck Thénault qui le raconte, on lui avait prévu pour la promotion de la faire passer dans une émission de télévision qui se déroulait à midi, c'était la promotion, ça s'appelait je sais pas trop comment, et les personnalités parisiennes passaient là. Et on avait voulu, pour faire connaître au public parisien ce qu'allait faire Billie Holiday, on avait voulu la faire passer à midi. Midi pour Billie Holiday, c'est l'heure à laquelle elle se couchait. Alors, on est allé la chercher, c'est Franck Thénault qui est allé la chercher, et elle a quand même bien voulu venir parce qu'elle n'était pas toujours facile. mais on a voulu la faire chanter à 13h, et c'était complètement en dehors de son horaire habituel. Elle commençait à vivre à minuit, donc elle n'était pas dans les conditions idéales pour chanter. Néanmoins, son séjour parisien a dû être assez heureux parce qu'il a été partagé avec la chanteuse Annie Ross, oui, celle de Lambert Hendrix Ross, qui l'avait accompagnée aux Champs-Élysées. Elle voulait voir les boutiques, elle voulait acheter des choses. Alors elles ont fait les grands bijoutiers, elles sont descendues, et après chaque bijoutier, il y avait un bar, et elle entrait dans le bar. D'ailleurs, Annie Ross se dit, moi, j'étais complètement ivre, et elle avait l'air tout à fait sereine. Et puis, quand on a eu fini les Champs-Élysées, après qu'elle se soit fait montrer, étaler tous les colifichets, enfin, les colifichets aux Champs-Élysées, c'est pas des colifichets, ce sont des bijoux en or, elle n'avait rien acheté, mais dans le dernier bar, elle a ouvert son sac, et elle a montré à Annie Ross, elle avait fauché deux petites choses, simplement pour le plaisir, parce qu'elle avait de l'argent, elle n'était pas, à ce moment-là, pas en peine. Alain souhaitait qu'on trouve dans la discographie de Billie Holiday des choses plus légères, enfin qui ne correspondent pas au stéréotype de la chanteuse de laquelle se dégage un pessimisme radical. J'ai eu beaucoup de mal à trouver, et je dois même dire que je n'ai pas trouvé une pièce rose. Chez Jean Anouilh, il y a des roses, il y a des noirs. Chez Billie Holiday, c'est un peu comme Fats Waller, sauf que c'est tout le contraire. Si vous me demandiez chez Fats Waller de trouver quelque chose de sombre, de grave, de triste, c'est mission impossible. Alors, de Billie Holiday, Traveling Light. À la fin de la chanson, il y a une petite lueur d'espoir. Traveling Light, ça veut dire voyager léger. Autrement sans bagage. Sans bagage. Alors, ça correspond à une époque... On trouve à nous, vous voyez. Ça correspond à une époque de sa vie, c'était en 1942, où elle était sur la côte la californienne, à Hollywood, et elle était avec le trombone Tommy Young. Ils avaient, semble-t-il, une affaire. Une affaire, en anglais, c'est une affaire un petit peu d'amour. Bref, ils étaient copains, et peut-être un peu plus que ça, et sans un sou, pas de même de quoi payer la chambre d'hôtel. Alors, Tommy Young avait une petite chansonnette qu'il avait écrite, qui lui plaisait bien, et qu'il a confiée à son ami Jimmy Mundy, l'arrangeur, lequel travaillait à l'époque pour le chef d'orchestre Paul Whiteman, à qui la mélodie a plu, qui l'a fait jouer par son orchestre et qui a voulu l'enregistrer. Et ils ont demandé à cet effet à Johnny Mercer, qui était un des plus grands paroliers, qui a donc mis des paroles sur ce Traveling Light, qui dit « I'm traveling light because my man has gone, so from now on, I'm traveling light. » Je voyage sans bagage puisque mon homme est parti. Et puis à la fin de la chanson, elle dit « Some lucky night, he may come back again. » Peut-être qu'une nuit heureuse, il reviendra. Vous voyez, c'est ça la petite poussée optimiste. On n'est pas très loin des paroles de The Man I Love, d'ailleurs. Je vais vous faire entendre la version qu'elle a donnée le 6 juin 56, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. C'est une séance qui a eu lieu à New York et qui a été supervisée par le clarinettiste Tony Scott, qui était un de ses amis, qui a été un de ses fidèles tout le temps et un proche. Il n'y a pas de solo dans cette version, juste quelques petits obligatos derrière la chanteuse. Vous pourrez reconnaître au passage le trompettiste Charlie Shavers, Tony Scott donc à la clarinette. On entend un tout petit peu Paul Kinichette, le saxophoniste ténor, et Wynton Kelly, le pianiste. Traveling light because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye. And took my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see. The breeze looking at. He may come back again. So until then, I'm traveling light. To see, I'm free as the breeze. No one but me and my memories. Some lucky night. So until then, I'm traveling La deuxième version officielle, on ne parle pas des éventuelles versions piratées, il y en a peut-être eu, et s'il n'y en a pas, on en retrouvera peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. La deuxième version officielle, donc celle que Billie Holiday avait enregistrée en juin 1956 pour la compagnie Verve, donc pour Norman Grant, accompagnée notamment par Charlie Shavers à la trompette, Tony Scott qui supervisait la séance à la clarinette, et Paul Kinichet, celui qu'on appelait le vice-président, l'homme qui stylistiquement était censé être le plus proche de Lester Young, au saxophone ténor, la première version donc ayant été réalisée un certain nombre d'années plus tôt, en juin 1942, sur la côte ouest, alors que Billie Holiday était la chanteuse régulière du groupe qu'avait alors formé sur la côte ouest les deux frères Young, Lester le saxophoniste et Lee le batteur. Comme ne manquerait pas de le confirmer, le docteur Ben Ki-moon, auteur d'un, comment on appelle ça, C'est un CD-livre. Voilà, un CD-livre. À la fois un livre, on a déjà consacré une émission à cet ouvrage. C'est à la fois un livre et c'est à la fois un florilège d'enregistrement de Lester Young. Et il en existe un dans la même collection sur Billie Holiday. Exact. Qui, je crois, est épuisé. De Christian Gouff, non? Absolument. On a peut-être même fait aussi une émission là-dessus, déjà, sur le livre de Christian. Oui, mais qui s'en souvient? Vous nous abattez. Là, peut-être lui. L'émission sur la gaieté, hein, tout de suite. Vous avez écrit que, très justement, dans un petit livre... Petit livre bleu. Le petit livre bleu, c'est l'équivalent du petit livre rouge, mais en mieux, quoi, c'est-à-dire... d'Alain Gerber, mais enfin, peut-être c'est pas le moment. Non, pas vraiment. Et puis on fait pas la réclame. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment magnifique. Et en particulier sur Billy. Et vous dites, elle a suscité l'engouement des blaireaux. Et je suis tout à fait d'accord. Étant blaireau moi-même, mais alors, je me suis quand même demandé. Comment, à quoi ça tient cette emprise qu'elle a sur nous? Alors, quand même, comme je ne suis pas un très bon coucheur, je crois qu'une des premières raisons, c'est qu'elle est toujours, ou presque toujours, très très bien accompagnée. Les musiciens qui l'entourent, c'est vraiment la crème. Il y a une autre chose, c'est qu'elle joue un peu la lascivité. Elle se comporte en chatte, soumise en permanence à toutes les tyrannies de la libido. Et les hommes, en tout cas, aiment bien voir le désir féminin comme ça. Alors je me demande si c'est pas une raison une très bonne raison quand même qui nous accroche là. Je me demande. Soumise aussi à la tyrannie des hommes. D'ailleurs, et les féministes américaines le lui ont reproché à une époque. Oui, elle joue avec nos nerfs quand même là, en se frottant comme ça contre nous. Alors, je me demande si pour les femmes, il y a cet impact aussi. Où, bon, on pourrait peut-être poser la question peut-être tout à l'heure. Enfin, alors, je crois qu'on pourrait assez facilement sur ce point évoquer ses débuts dans la vie. Hein. Avant même de vouloir être chanteuse, elle n'avait qu'un seul horizon, c'était essayer d'être call girl. Oui, et puis la prostitution, bon, c'est parce que plutôt que de subir l'amour des autres comme elle l'avait fait, autant essayer de le subir en vivant. Oui, non, mais c'est évidemment ça nous charme, mais c'est peut-être pas une très très bonne raison. Cela étant, les qualités musicales sont absolument fantastiques, c'est-à-dire on a dit de mise en place, de justesse, etc. Ça, c'est irréprochable. Mais je ne la placerai pas aussi haut que quelqu'un comme Lester Young, par exemple. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi un morceau dans lequel on les entend tous les deux. Et il me semble que Lester, c'est quand même tout à fait beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Et il y a une chose que je voudrais ajouter aussi, c'est-à-dire que elle suit sa pente, mais on peut suivre sa pente en montant ou en descendant. Alors, c'est vrai qu'au début, elle ne sait pas très bien dans quel sens elle va, mais il me semble qu'après, alors après ces années-lumière, elle suit un système. Moi, je continue, enfin, je crois qu'on peut appeler ça un système, c'est celui de la catabase sotériologique. Alors, j'ai déjà employé ce mot qui est souvent pas très bien compris, mais... Rarement. Oui, mais écoutez, bon. Alors, ce qui est le sotériologique, c'est le salut. Enfin, le sotérion, c'est un mot grec, mais enfin, on est sur France Culture, après tout. Alors, comment trouver le salut? Alors, la catabase, c'est on descend. Au lieu de suivre sa pente en montant, ce qui est en général plus recommandé, là, on suit sa pente en descendant. Et ce qui explique toute cette... encore un mot, auton timoroumenos, ou ce bourreau de soi-même, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'autodestruction. Je crois que c'est choisi, hein, parce que elle cherche une sorte de salut, là, comme ça. C'est pas un abandon pur et simple, je crois que c'est systématique, comme d'autres vont rechercher le dérèglement de tous les sens, etc. C'est une technique peut-être de salut et pas seulement de salut artistique. Enfin, je sais pas. Tu fais allusion Jean-Louis à Baudelaire. Oui, que bien sûr. Il faut citer la personne, ouais, effectivement. Je crois que Jean-Louis, de ce point de vue-là, a tout à fait raison. Enfin, Emilia peut-être aussi, mais je coupe la parole à Jean-Louis, tu n'as donc pas fini. Parce que tu as le disque, tu voudrais choisir ton disque. Ouais. Tu as ton disque, le morceau que tu voulais passer. Oui, on peut écouter ça. Donc, il faut que je regarde. Ça s'appelle This Year's Kiss. Alors, évidemment, les baisers sont toujours là, parce que c'est une très grande préoccupation. Pas le baiser de baiser, on peut dire. Ça fait partie de sa vie. Elle se jette sur, pas seulement sur tous les clarinettistes. Là, je crois qu'à cette époque-là, elle est plus ou moins avec Benny Goodman, ce qui est assez curieux. Après, elle va être avec Artie Shaw, mais entre-temps, c'est une vraie femme qui s'accroche aux musiciens. Hein. Bon, ça doit être très agréable quand on l'accompagne. Mais là, il y a des gens absolument fantastiques là-dedans. Le solo, c'est... c'est Lester Young qui prend le grand solo, absolument magnifique. Il y a Buck Clayton, il y a Benny Goodman qu'on entend à peine à la fin, mais enfin il est là. Et il y a surtout quelqu'un qui a fait un travail fantastique pour elle, c'est Teddy Wilson. Parce que c'est vrai que ces séances, elle lit pas la musique, mais il faut quand même préparer un peu. Hein. Alors on dit qu'elle chante du premier coup, c'est pas vrai. Et Teddy Wilson se fait tout le travail avec elle, il repère, et il faut dire aussi sur que... le tas néanmoins, oui, il n'y a pas de répétition préalable, non, hein, c'est dans le studio. Non, je crois que c'est un jour avant, ils se voient, ils choisissent les morceaux. Et alors, on dit, les musiciens arrivent au studio le lendemain, ils n'ont pas de partition, ce qui est vrai, et parce que c'est les morceaux connus, mais il faut remarquer que tous ces morceaux connus sont chanter ou jouer dans des tonalités absolument inhabituelles. Par exemple, y a plein de morceaux. C'est presque jamais dans la tonalité que connaissent les musiciens. Attention, très souvent, c'est des morceaux qui ne sont pas encore connus, qui vont le devenir. Par exemple, leur This Foolish Thing, c'est la première interprétation en jazz. Il n'y en avait jamais eu. Très souvent, c'est des morceaux qui étaient célèbres parce que la radio, dans leur version commerciale, venait de les rendre célèbres. Donc, tous les groupes se dépêchaient d'en enregistrer un parce que c'était peut-être l'occasion de faire un succès. Oui, c'est sûr. C'était ça, le secret de ces petites chansons. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait une chanteuse. Moi, il se trouve là que c'est Billie Holiday. Mais quand c'était pas Billie Holiday, c'était un peu n'importe qui. Parce que comme ça, on pouvait ferrer le poisson et puis vendre les disques à des gens qui n'étaient pas seulement les amateurs de jazz, qui n'ont jamais été très nombreux, pas plus ou guère plus à cette époque qu'aujourd'hui. Oui, mais l'astuce était de prendre des chansons qui avaient connu un succès auprès du public blanc et d'en faire une version pour les Noirs. Alors, je sais pas si on l'entendra, je crois The Man I Love, par exemple, il la chante en sol, alors qu'on avait toujours fait ça en mi bémol avant, pour prendre un exemple. Mais c'est toujours un peu comme ça. Donc, ces musiciens qui arrivent et qui connaissent le morceau, c'est quand même un peu déstabilisant. Mais ça ne s'entend absolument pas dans tous ces petits chefs-d'œuvre. Et en particulier, moi, je trouve qu'on dit pas assez de bien de Teddy Wilson, qui est absolument une merveille d'équilibre. C'est à la fois très lisible, c'est à la fois grand public, si on veut, la preuve, c'est que bon. Et en même temps, c'est un art d'une économie, voilà, un équilibre, une élégance, Teddy Wilson. C'est pas un nom qu'on prononce souvent. Oui, parce qu'il avait cette fluidité mélodique remarquable, des lignes qui chantaient comme pourront chanter celles de Garner, et en même temps, il avait retenu la leçon harmonique d'Artetum. Donc il était capable, en ce sens-là, oui, d'aller un même petit peu plus loin. Et puis il c'était un élève de Lines, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait été le révolutionnaire de son temps. On va donc écouter, on parle beaucoup. Alors, c'est l'orchestre de Bézi, pratiquement. Enfin, l'orchestre de Bézi. Oui, c'est presque toujours des musiciens, pour la bonne raison qu'elle était la chanteuse de Count Basie. À l'époque, ça n'a pas duré très très longtemps. Avec Freddie Green, qui est aussi l'amant de Billie Holiday. Bien entendu. Je sais pas comme qui tout, n'est comme pas tout le monde. Comme tous les clarinettistes. Alors, c'est le 11 mai 37. C'était voilà. Et assez curieusement, ce morceau qu'on aurait pu croire oublié, donc on est en 37. Oui. 20 ans après, très exactement en 56, dans une de ses dernières séances, avec Teddy Wilson et Joe Jones, le batteur, Lester Young va s'en souvenir et le réinterpréter. Ce sera parmi les, je sais pas, peut-être les 20 dernières interprétations sur disque de lui que l'on connaîtra. Ça fait partie d'un disque qui s'appelle, si vous pouvez le trouver, parce que c'est un de ses plus beaux parmi les derniers, Lester Young and the Jazz Giant. Thank you. rubber kisses is not for me. For I'm still wearing lashes, Ici Kisses, enregistré en 1937 par Billie Holiday, entouré par un de ses merveilleux petits groupes issus en général de la formation de Count Basie à laquelle, nous l'avons dit, elle appartenait, avec Lester Young. Vous avez entendu cette merveilleuse introduction, plus qu'une introduction d'ailleurs, qu'il faisait à cette interprétation, et des groupes dont le directeur musical était toujours, même s'il ne l'était pas forcément de façon nominale, le pianiste Teddy Wilson, et puis cette merveilleuse section rythmique que l'on considérait à l'époque comme la meilleure section rythmique d'Amérique, donc du monde, c'était sous-entendu, avec Freddie Green à la guitare et Joe Jones à la batterie. Georges. Alain, vous avez, je vois que Jean-Louis a fait tenu le rôle du psychanalyste et du biographe, il y a le rôle de l'historien, il y a le point de vue du musicien, il a tenu ce rôle également, mais il y a également le fait qu'il ne faut pas oublier que, pour le morceau que j'ai choisi, c'est All of Me, nous sommes en 1941. Que se passe-t-il en 1941 dans le monde? Tout le monde le sait. Mais peut-être que le morceau All of Me, enregistré 21 mars 1941 à New York, bien au mois de janvier, aux États-Unis, il y a les premières réquisitions sur l'aluminium. Le 22 janvier, l'industrie militaire, les grèves. Le 26 février, les grèves des métallurgistes. Bref, il y a un monde, et il faut bien en parler, il y a un monde d'une inquiétude de la guerre qui va arriver, qu'il y a un monde qui va y avoir des très grands bouleversements, et que tout à coup on entend cette voix miraculeuse qui vient là, et on peut comprendre que, compte tenu de l'inquiétude générale, cette voix puisse porter et avoir un impact considérable sur les mentalités et sur les gens. Et ce qui est extrêmement curieux, vous avez parlé de la rythmique de Count Basie, eh bien, dans ce morceau-là, qui a été, et donc, en 1941, il y a pas du tout Freddie Green, ou peut-être il y a, je n'ai pas le détail de tout le monde, il y a Lester Young, bien sûr, mais à la batterie, il y a Kenny Clarke, qui, exactement au même moment, se trouve aux Mintons, en train de faire tous les essais de musique contemporaine pour l'époque, donc du bebop naissant. Et je me suis posé la question de savoir, moi, je suis pas un grand fanatique de Billie Holiday. J'aime par exemple d'autres chanteuses, peu importe, mais je me place du point de vue du musicien. Que sentait Kenny quand il accompagnait une chanteuse comme ça? Certainement, plaisir d'accompagner une chanteuse. En plus, en sachant quand même que c'est quand même, du point de vue du musicien, extraordinairement limité. Il faut quand même bien savoir que tous les musiciens sont complètement, dans un carcan qu'il faut absolument respecter, et que tous les musiciens sont strictement au service de la chanteuse. Il n'y a pas un musicien qui ne doit pas être absolument au garde-à-vous devant les desiderata de la chanteuse ou du leader de l'orchestre qui, lui, doit faire plaisir à la chanteuse. Ce qui veut dire, concrètement, que d'abord le batteur, alors lui, il n'existe plus, c'est les ballets, on n'en parle pas, ou pratiquement peu, ou alors on lui laisse une chance, comme Roy Haynes avec Lullaby in Birdland avec Sarah Vaughan, ou Al Foster avec Carmen McRae qui joue les thèmes de Monk, et là il peut s'exprimer, mais c'est pas du tout le cas de tous les gens qui ont joué avec Billie Holiday. Il faut pas oublier qu'il y a une ambiance très particulière, il y a ce monde extérieur menaçant, il y a cette voix suave, et puis il y a les musiciens avec, qui sont, comme le soulignait très justement Jean-Louis, d'excellents musiciens, Mais il n'empêche que Kenny, lui, je suis sûr qu'il était beaucoup plus intéressé de faire les expériences aux Mintons que d'accompagner Billie Holiday. Et donc je crois que là, il y a toute une, disons, si vous voulez, une vision des choses qu'il faut quand même, disons, rétablir les différents glaces, les différents miroirs, n'est-ce pas, de la réalité. Il n'y a pas que la Billie Holiday alcoolique, il y a tout ce qui se passe autour, le monde environnant et la musique et les musiciens. Alors je vous propose donc All of Me, qui est de 1941. Je vais ajouter une petite chose, vous avez donné beaucoup de dates pour 1941, il y en a une autre, c'est que le 25 août a eu lieu le premier des mariages catastrophiques de Billie Holiday, celui-là avec un homme qui s'appelait Jimmy Monroe, qui était comme ses autres maris et la plupart des hommes qu'elle avait fréquentés, un assez triste sire, en tout cas dans les relations qu'il pouvait avoir avec les femmes qu'il fréquentait. C'était le frère de Clark Monroe, et Clark Monroe était l'homme qui organisait toutes les jams bebop qui n'avaient pas lieu au Minton. Exactement. On était de la mouvance Minton. Exactement. Ou de la mouvance Monrose à New York. J'ajouterai une dernière chose, Alain. Le 27 mai, Roosevelt déclare l'état d'urgence, et le 7 décembre, c'est Pearl Harbor. Donc on est dans toute cette zone-là, et je crois qu'on a tort, à mon avis, lorsque l'on parle d'un musicien, on a tort de l'extraire de son contexte sociologique. Voilà. Et juste avant qu'on écoute la musique, j'ai reçu une lettre ce matin, de Jacques S., Jacques B.S. Vous voyez ici de temps en temps avec nous Philippe Baudouin. Philippe Baudouin est le chargé de cours d'histoire du jazz à la Sorbonne. Et il succède à Jacques S. qui s'est retiré. Jacques S., contrebassiste bien connu, qui a fait beaucoup de travail, guitariste aussi, fait beaucoup de travail à Paris dans les années 50. Et Jacques S. vit aussi de traduction. C'est un des rares en France qui soit capable de traduire l'argot américain. C'est lui qui a traduit les mémoires de Mingus, c'est vous dit. Et il me disait à propos de Lady Day, bon, on traduit toujours ça par Madame Jour et on a raison, mais il ne faut pas oublier deux choses. Lady Day en Amérique, c'est aussi le jour de l'Annonciation à Marie, bon, ça on peut le comprendre, mais c'est encore, et peut-être faut-il réfléchir à cette acception de l'expression, le jour du loyer, le jour du terme, le jour où il faut payer ses dettes. Thank you. guess, so why not take the rest, baby? Take all of me. Love Me a été enregistré le 21 mars 1941 au cours de la dernière séance de studio qui réunissait Billy Lester Young, Lester responsable d'un solo magnifique. Il y a trois prises, dans les trois prises, il joue des choses absolument superbes, notamment dans la dernière qui est un peu plus longue que celle-là, ça fait à peu près 3 minutes, et il y a une prise de 4 minutes et quelques qui pour cette raison n'était jamais sortie en 78 tour à l'époque, où l'on trouve un des plus beaux solos, sans doute, de toute la carrière phonographique de ce musicien. Assez curieusement, bon, je pense que la plupart d'entre vous, tout le monde, sans doute même, a été sensible aux qualités d'émotion de cette musique. Les seuls qui n'étaient pas émus, c'était les gens qui en profitaient, c'est-à-dire les gens de chez Columbia, parce que chez Columbia, à l'époque, on avait déjà décidé de se débarrasser de Billie Holiday. Certainement parce que l'homme qui l'avait apporté sur un plateau d'argent à cette compagnie, le grand découvreur de talent, mécène, John Hammond, avait décidé que Billy, c'était comme Capri, c'était fini, parce que depuis Strange Fruit en 1939, Billie Holiday se prenait pour une, comme l'a écrit un anglais en français dans le texte, une grande dame de la chanson. Quelqu'un qui s'intéressait, qui voulait devenir une chanteuse à texte, alors qu'avant il avait été cette chanteuse prime sautière, etc. Et pour cette raison, John Hammond s'est complètement désintéressé d'elle. Elle a eu du reste, pendant une certaine époque, qui était pourtant, ça faisait partie de ses années de maturité, les plus grandes difficultés à enregistrer, jusqu'à ce qu'un de ses vieux amis, le fondateur des disques Commodore, Milt Gabler, lui obtienne un contrat pour une autre grande compagnie qui est Decca. Mais Decca, ça commencera beaucoup plus tard, en 44, hein, 44 ou 45, c'est quelque chose de ce type. Et là, elle aura quand même, ça a été sa dernière grande réussite dans la vie. Pour Decca, elle a obtenu des cordes. Et elle y tenait beaucoup à ses cordes, parce qu'avoir une section de cordes avec soi, ça voulait dire que la production faisait un gros sacrifice pour vous. Ça voulait dire surtout que vous étiez arrivé au niveau du chanteur qui vendait le plus de disques à l'époque, Frank Sinatra, qui était le seul à qui automatiquement on donnait une section de cordes lorsqu'il enregistrait. Paul. Bien moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi je me rangerais volontiers dans les admirateurs inconditionnels de Billie Holiday, que j'ai d'ailleurs découvert par cette période d'abord, et je n'ai découvert qu'ultérieurement, disons ces enregistrements notamment de la décennie des années 50. Moi, j'ai été d'emblée séduit. C'est une de mes chanteuses préférées, avec dans un autre registre, je vous le concède, Elis Regina ou Aretha Franklin. C'est éclectique, mais en tout cas, je n'ai pas entendu à ce jour de chanteuse de jazz qui m'ait ému à ce point. Et en particulier dans ces années-là, Jean-Louis a déjà donné des raisons. Bonne ou mauvaise, que je trouve malgré tout plutôt bonne, d'être sensible à son charme. Moi, j'y ajouterais quelque chose qui tient à une sorte d'insouciance, de naïveté en même temps. Et c'est peut-être d'ailleurs la naïveté précisément qui disparaît au fil des années. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, même quand elle chante des chansons dont les paroles sont parfois, disons, au moins indigentes, ou précisément à propos de naïveté, il y a quand même des paroles franchement tartes, et c'est non sans raison les féministes, mais même au-delà, il n'y a pas besoin d'être spécialement féministe, on peut quand même trouver l'attitude un peu cruche, enfin c'est le thème de Mon Homme, elle a chanté Mon Homme, hein, vous connaissez les paroles. Oui, mais c'est à l'insu de son plein gré. Pardon ? C'est à l'insu de son plein gré. Non, je crois pas, parce que vraiment elle a récidivé, hein. Je crois pas qu'elle ait chanté un seul thème plus souvent que Mon Homme. Mais en bon, tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas encore à cette époque le désenchantement. Il y a une part d'optimisme, même si elle avait déjà dans son répertoire des chansons, effectivement, où les hommes la faisaient souffrir. Et pourtant, elle avait déjà à l'époque, là, elle était entre 20 et 30 ans, elle avait déjà vécu de quoi gâcher 2 ou 3 vies. Bon. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas encore. Moi, il se trouve que le hasard fait que j'ai également choisi un enregistrement de mai 37, donc qui correspond à l'époque où elle est chanteuse dans l'orchestre de Count Basie. On sait que c'est une période qui n'a pas été qu'heureuse. Bien sûr, elle était, outre Freddie Green, ses rapports avec Freddie Green, elle était donc en compagnie de Lester Young, avec qui il y avait véritablement une communion, une communauté. Il y a beaucoup d'anecdotes sur cette période de voyage de tournée où Lester Young devait un peu rappeler à l'ordre certains musiciens qui avaient une attitude, disons, quelque peu cavalière avec elle, où il y a une anecdote sur une partie de D, parce que Lester Young était un fanatique de D, donc passé dans les travées. Il avait du mérite parce qu'il perdait toujours. Il perdait tout le temps, bien sûr. Et il passait en agitant les D à l'oreille des musiciens, en disant sweet music, douce musique. Et par contre, Bill Holiday, elle avait beaucoup plus de veine. Mais elle devait tricher. Peut-être. Mais c'est une grossièreté, bien pire que les messieurs. Hein. C'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose quand on entend la sonorité de Lester Young, le phrasé de Lester Young et celui de Billie Holiday, il y a quelque chose, c'est pour ça que je ne mets peut-être pas la distance entre les deux que vous mettez, Jean-Louis, il y a quelque chose qui me paraît vraiment procéder du même élan, de la même approche, et vous avez dit quelque chose qui me paraît extrêmement juste à propos de l'ensemble de ces séances, notamment sous la direction de Teddy Wilson, c'est qu'il y a une espèce d'économie générale, pas uniquement parce qu'on a 3 minutes, mais il y a rien ne dépasse qui soit inutile. Il y a véritablement quelque chose qui me paraît parfait, enfin de l'ordre du bijou, même quand c'est une chanson totalement parfaite. Un éventuel rapprochement de ces deux musiciens, un éventuel rapprochement esthétique. Il y a eu un article qui avait été publié au milieu des années 50, je crois, par André Oder dans Jazzot, et qui comparait deux versions de This Foolish Thing, la fameuse version de Lester, celle dans laquelle, même en exposant le thème, il ne joue pas le thème, et puis C'était celle des Sessions Aladdin. Oui, celle des Sessions Aladdin, et puis une version par Billie Holiday. Malheureusement, c'est un article assez bref, et André Oder invitait d'autres analystes à poursuivre cette recherche. Bon, la conclusion, c'était que, comme le disait Jean-Louis, il y a quand même une différence de degré entre l'apport esthétique du saxophoniste et celui de la chanteuse, mais néanmoins il y a quand même une familiarité entre ces deux approches. Mais il y a une raison, parce qu'il y a une question d'authenticité. Ce n'est pas une question d'honnêteté. Un artiste, quand il est authentique, Coltrane est un homme complètement d'autres genres, peu importe le musicien. Par exemple, Chet Baker, lorsqu'il joue, il chante, il joue de la trompette, il y a un morceau, je ne sais plus, Just Friends, je crois, où il chante et joue, il y en a beaucoup, mais là où il n'y a aucune différence entre son chorus à la voix et le chorus qui fait la trompette, c'est vraiment la même personne. Et ce qui est merveilleux dans cette combinaison Billie Holiday-Lester, c'est qu'on entend absolument le même univers, la même intériorité, la même authenticité. Donc, si je disais que je n'aime pas Billie Holiday, c'est faux, je ne sais pas que je n'aime pas Billie Holiday. Je suis étonné, par exemple, que j'ai entendu, pas il y a peu de temps, je connaissais depuis très longtemps, mais Jewel Brown, voilà une chanteuse que personne ne connaît. Chanteuse de Louis Armstrong. Alors, je suis toujours stupéfait de voir, c'est une femme qui chante un morceau, une ballade, justement, quelque chose qui a exactement toute la valeur de ce qu'on écoute ce soir. Mais personne, aujourd'hui, ne connaît Jewel Brown. Et nous avons des milliers de cas comme ça. Et ce qui est toujours surprenant, c'est de voir, moi, ce qui me séduit toujours, c'est de voir quelles sont les circonstances de la vie qui ont amené une personne à être là où elle en est. Un jour, je crois que c'est Alain qui nous disait ça, que Philly Joe Jones n'aurait jamais été Philly Joe Jones s'il n'était pas passé chez Miles Davis. Je crois qu'effectivement, il y avait beaucoup de batteurs, pas de batteurs, en général de musiciens, qui ont eu un parcours, qui ont eu la chance d'être au bon moment, dans des circonstances particulières, de rencontrer les bonnes personnes, et ensuite d'être avec les musiciens, les bons musiciens au bon moment. Alors il faut beaucoup de facteurs pour arriver là, parce qu'il suffit pas simplement d'avoir du talent. Et de, ça marche pas comme ça. La réalité, ça marche pas comme ça. Voilà, donc le morceau que j'ai choisi est Sun Showers, donc qui date du 11 mai 1937, et sous la direction de Teddy Wilson, on entendra Lester Young, décidément on n'y a pas échappé ce soir, Buck Clayton, Johnny Hodges et Teddy Wilson, tandis que Buster Bailey fait quelques obligatos à la clarinette. Magazine Weird. Sun Showers, encore 1937, encore Billie Holiday avec Lester Young. Je ne sais pas si ça se traduit douche de soleil, je ne sais pas trop. Je pense que c'est en fait le phénomène qui fait que même s'il pleut, le soleil va sortir. Donc c'est peut-être ce moment particulier où on voit le soleil poindre alors que la pluie tombe encore. C'est un tableau impressionniste en somme. Sans doute. Vous croyez que sans l'apport de Lester Young, Billie Holiday aurait moins de peps et moins de succès, enfin moins de feeling? Moins de succès, hein. Non, je pense que ça n'y a rien changé. Moins de feeling, certainement. Je pense que là, l'apport a été absolument considérable. Encore que si vous écoutez des choses qui sont contemporaines et qui sont enregistrées sans Lester, vous retrouvez très exactement la même chanteuse. Pour comprendre ce qui se passait entre eux, je crois qu'il faut absolument avoir vu des images d'une émission de télévision qui était enregistrée par la chaîne CBS en 1957. Et la façon dont elle écoute le solo de Lester, dont elle bouge la tête, dont elle sourit, enfin c'est absolument bouleversant, quoi. Et on comprend que véritablement elle vivait cette musique-là. Faut dire que ça fait partie de ces chanteuses, et c'était assez révolutionnaire à l'époque, qui calquait le rare autant que possible sur le phrasé des instrumentistes. C'est-à-dire que ces modèles n'étaient pas d'autres chanteuses, encore qu'elle avait une grande admiration pour Bessie Smith. C'était où la façon de chanter d'Armstrong, qui est branchée directement sur sa façon de jouer de la trompette, ou le phrasé de saxophoniste, et entre autres celui de Lester Young, bien entendu. Lester Young avait abandonné en grande partie, non pas totalement, comme on l'a écrit, mais en grande partie, surtout par rapport aux autres saxophonistes de l'époque, le vibrato. Dans les années 30. Ça n'était pas complètement révolutionnaire, il suivait les traces de Frank Trumbauer, qui avait assez largement été pionnier en cette matière dès le milieu des années 20, mais cet abandon du vibrato, c'était quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas osé faire s'il n'y avait pas eu cet exemple de Lester pour la soutenir. Au milieu des années 50, elle a rencontré un critique anglais à Londres, Max Jones, et les interviews qu'il a réalisées d'elle au cours de plusieurs voyages de la chanteuse en Europe sont très parlantes de ce point de vue, très éloquentes. Elle lui a dit « Si vous n'aviez pas ce tremblement d'achèque, ce tremblement, c'est du vibrato qu'il s'agit, si vous n'aviez pas ce tremblement, vous étiez mort. Ça veut dire professionnellement mort. On ne vous faisait pas travailler. » Vibrer, c'était la seule façon supportable de chanter pour les gens qui vous engageaient. Moi, j'ai envie d'ajouter que ce vibrato, il a une fonction. À partir du moment où il n'y a pas de micro, vibrer avec la voix, changer de hauteur, c'est une manière de chanter plus fort sans chanter plus fort. Comme de jouer un instrument avec vibrato, c'est une façon d'entretenir le son, de réitérer le son, donc de jouer plus fort, sans micro. À partir du moment où il y a un micro, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de ce stratagème pour jouer plus fort, de faire semblant de jouer plus fort. Black and Blue ce soir, Paul Ben Ki-moon, André Clerjat, Jean-Louis Chautant et Georges Pakzinski évoquaient le côté solaire de cette chanteuse nocturne que fut Eleanora Halliday, dite Lady Day. Enregistrée en public au studio Sacha Guitry de Radio France par une équipe de choc que composaient Bernard Laniel, Jean-Michel Coqui et Jean-Michel Gaudin, cette émission était mise en onde, comme toujours, par Marie-Cécile Mazzoni. Nous remercions aussi de sa précieuse contribution Véronique Samouilov, qui assurait la liaison entre le plateau et la salle. Bonne fin de soirée à tous. In the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. Fairgrounds painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. A telephone that rings